Yeah. Yo zo, Chatix, les gems comme again. Not nice. Perfecto comme d'abridi. Comme again. Numéro 10 sous le maillot. Tant sa forme. Je touche, tu touches. En dessous de la douche. Tu touches, je touche. Minouche. Ouf, ouf, ouf, chez amis, en touche. Louche, nous pas vin bat douce. Je touche, tu touches. En dessous de la douche. Tu touches, je touche. Minouche. Touche, pas quitter, fait plouf. Douche, en bas de l'eau, plein mousse. Bado, mati bordo. Souke bordo. Mati bordo. Souke bordo. Mati bordo. Souke bordo. Océano in charge bomb pa mado. Mati bordo. Souke bordo. Mati bordo. Souke bordo. Mati bordo. Souke bordo. Charge bomb pa mado. Pas capable anglais, pourtant c'est poussi fat fat. Encore moi espagnol, mais t'es bien chiquita et moi pas allemand. Tout moi ça dit ish, libidish. Pas contre moi ça pas les creux, les pions nous fait vis. Loco, soukwe sa ba mwen kon gringo, bingo. Meye le golo, el chapeau, mucho. Samme ni sala a gogo, pako. Popozo fe move a bon moto. Je touche, tu touche, en dessous de la douche. Tu touche, je touche, minouche. Ouf, chez amis, en touche. Louche, nous pas vin bat douce. Je touche, tu touche, en dessous de la douche. Tu touche, je touche, minouche. Touche, pas quitter, fait plouf. Douche, en bas de l'eau, plein mousse. Et tu me touches, et je te touche. Ferme ta bouche et je te couche. Touche, wouche, 6, ouf. Et tu me touches et je te touche. Ferme ta bouche et je te couche. Touche, wouche, 6, ouf. Et pour t'es bien en fesse, nous pas besoin d'étader. Shake it, poum poum, faut qu'à soukoué fesse qu'on dé. A don't dit de sa cause, tout mon quoi j'ai enflé. Dis-moi qui l'est slow, soyez à manquer calé. Nous cavrier, hey, chez tout ça qui l'est carré. D'où vont nous, en tant que chien qui a aboyé. Si mon an les marie, mais faut qu'il montre, mais ça va aller. Ou t'es qu'à attendre lit, t'es qu'à dire, pèque et t'a dit. Wado, mati bordo, souke bordo, mati bordo, souke bordo, mati bordo, souke bordo. Océano in charge bomb pa mado. Mati bordo, souke bordo, mati bordo, souke bordo, mati bordo, souke bordo. Charge bomb pa mado.